comme les autres. Mêmes horizons, c'est un matin comme les autres. Dans ces longs couloirs, j'en te frôle sans te voir, et anonyme et solitaire. Voyage des festins, de ces choses longtemps rêvées, c'est à toi, ça t'appartient.